donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG. Bienvenue dans cette émission, la 607e émission Johnny de A à Z. Et aujourd'hui, Johnny de A à Z reçoit Frédéric Quilonero qui nous parlera de sa nouvelle édition. 20 ans plus tard, il revisite son éphéméride sorti en 2006, mais cette fois-ci en 4 volumes sous le nom Johnny au jour le jour chez la Libre Édition. Le premier volume couvre l'agenda de Johnny Hallyday de 1943 à 1966. On apprécie l'édition définitive de ce travail monumental sur papier couleur journal avec des anecdotes inédites, des coupures de presse et des documents d'époque, des nombreuses mises à jour comme des dates, des lieux et des événements. Le tout sur une très belle mise en page et réalisation de Catherine Kovacs et une superbe illustration sur la première couve façon Paris après-guerre de Bernard Dezon. Allons-y pour, dans quelques secondes, accueillir Frédéric au cœur de l'émission Johnny de A à Z. En attendant, on écoute Johnny Hallyday qui va parcourir pendant l'émission de 1960 jusqu'à 1966. Tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère crie plus belle. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Avec Claude hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, il y avait de la gaieté lorsque ma mère s'est ranimée. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements. Laisse donc un peu les filles. Allez, va! Qui me dit toujours, vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles t'adorer. Oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles. Laisse-toi aimer des filles. Laisse-toi aimer des filles. Ce soir, émission spéciale sur le livre Johnny au jour le jour de Frédéric Quilonero. Bonjour Frédéric. Salut Eric. Merci encore de participer à l'émission Johnny de A à Z. De rien. Car tu as écrit un nouveau livre. Bon, tu n'as pas écrit que ça. Tu as écrit de nombreux livres biographiques sur Johnny Hallyday comme Johnny Live, Johnny la vie en rock, Johnny Immortel, Johnny Femme et Influence. Mais le premier ouvrage sur Johnny était L'Éphéméride, sorti chez Tournon en 2006. Et 20 ans plus tard, tu le réexploites. Et de quelle manière ? De quelle manière? Sous la forme d'une série, c'est-à-dire en 4 volumes, parce que depuis 20 ans, j'ai quand même recueilli beaucoup d'informations complémentaires. J'ai pu aussi faire des améliorations, des corrections, etc. Donc, j'avais quand même à cœur, parce qu'on me l'a réclamé souvent de ce livre-là, a quand même marqué quelques fans, en tout cas. Et donc, on m'a souvent demandé de le remettre à jour, de le refaire. Et je tenais quand même à vraiment le refaire, quoi, que ce soit vraiment un livre nouveau. J'ai même rédigé autrement, j'ai tout conçu différemment. Voilà. Et on a conçu ce livre en tandem, en binôme, avec mon amie Christine Kovacs, qui était à l'époque qui travaillait, que j'ai connue quand j'étais aux éditions Didier Carpentier, donc qui était éditrice et graphiste, et donc qui aujourd'hui donc est à la retraite, mais continue à faire des livres parce que c'est sa passion. Mmh. Et on travaille bien ensemble, on s'entend bien, on est à peu près sur la même longueur d'onde tout le temps. Et donc, on a conçu à deux cette formule qui ressemble un petit peu à un journal, vraiment un agenda au jour le jour, et avec un papier un peu crème, un peu jauni, oui, qui rappelle le journal. Oui. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué. Et donc il est là, il est même derrière toi. Moi, il est peut-être à l'envers, ouais, sur ma caméra. Johnny, ouais, au jour le jour. Voilà, à la libre édition. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui l'auto-édite. C'est-à-dire que oui, c'est moi qui l'auto-édite et c'est Amazon qui le diffuse. C'est-à-dire que si vous voulez le commander, c'est uniquement sur Amazon et vous ne le trouverez pas ailleurs. Voilà. Et oui, c'est le volume 1 donc, qui va donc jusqu'à 1966. Mmh. Donc 43, la date de naissance, et même on déborde un petit peu dans la généalogie, donc je parle un petit peu des parents et des grands-parents de Johnny. Son ascendance. Et donc jusqu'en 1966, et donc le deuxième volume qui, je l'espère, arrivera assez rapidement, donc avant la fin de l'été du moins, et il commencera en 67 et il s'étendra jusqu'en 1979. Voilà. Il sera peut-être un petit peu plus épais, du coup, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter dans cette période. Oui, parce que depuis la disparition de Johnny Hallyday, donc le 5 décembre 2017, cette date a permis, en quelque sorte, aux journaux locaux, régionaux et nationaux de sortir leurs archives endormies depuis des années. Voilà, avec plus ou moins de détails, avec des dates plus ou moins justes. Donc, il a fallu quand même vérifier tout ça. Et effectivement, donc c'était assez intéressant de pouvoir se servir de ces articles-là, de ces archives-là, et surtout des petites anecdotes, des souvenirs qu'ont les gens, les fans. C'est souvent assez soit drôle, soit émouvant. Donc j'ai essayé d'arranger tout ça à ma façon et de rendre compte un petit peu de ce que pouvait représenter Johnny à l'époque, chez les gens, quoi, qui l'ont connu, qui l'ont vu, qui l'ont aimé. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment la musique. Retrouvons Johnny Hallyday à Juan-les-Pins en juillet 1960. Souvenir, souvenir. Je me souviens de soirs de danse, des joues contre joues, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenirs, souvenirs de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenirs, souvenirs, il me reste nos chansons. Woo! Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, chemin. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est tout gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Que donc avec le temps, parce que là on parle de la période de 1943 à 1966, ou surtout on va dire la période 1960-1966, mais toutes ces personnes-là, elles ont un certain âge. Donc les souvenirs peuvent être un petit peu effacés, un peu erronés, et donc il faut retravailler tout ça également. Oui, elles ont un certain âge, il y en a qui ne sont plus là aussi. Il y a pas mal de monde dans l'entourage de Johnny, comme Johnny lui-même, qui ne sont plus là, et... Donc j'ai remarqué ça en fait, c'est vrai, hein, même les témoignages de gens qui, au moment de sa mort en 2017, j'ai essayé d'en retrouver quelques-uns, il y en a plein qui sont morts déjà aussi, donc c'est affolant comme le temps passe, mais c'est bien d'en laisser une trace, quoi. Cette série donc, de au jour le jour permettra aussi de laisser une trace. J'ai cette ambition-là, un peu peut-être un peu prétentieuse, mais je pense que c'est important. C'est important de laisser une trace pour ne serait-ce que pour les gens qui l'ont aimé, puis aussi les gens de sa famille. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu penses, peut-être qu'on va aller loin déjà, est-ce que tu penses que Johnny va vraiment laisser une trace dans l'histoire de la chanson, dans l'histoire de France ou quoi que ce soit, ou comment pourrait-on définir ça ? Alors, sa musique, peut-être pas. Sa musique, peut-être qu'on en a, je sais pas, on a encore peut-être 50 ans, allez, en étant large, à écouter sa musique, à diffuser sa musique, etc. Mais lui, en tant que personne, est déjà entré dans l'histoire en 2017 avec ses obsèques. Mmh. Donc, je pense qu'il restera quand même dans l'histoire culturelle du pays comme quelqu'un qui a fédéré et qui a réuni donc 1 million de personnes dans la rue pour ses obsèques. Donc cette popularité-là le transforme tout à coup en monument national, il fait partie du patrimoine. Bien sûr. De toute façon, Édith Piaf, elle est morte en 1963, je crois, non ? C'est 64. Hein. Et on en parle toujours. Oui, un peu moins. Un peu moins, mais on en parle encore. 60 ans après, on en parle encore. Ouais, ces chansons, petit à petit, elles intéressent de moins en moins de gens. C'est-à-dire les nouvelles générations s'intéressent peu à elles, même s'il y a quand même des chansons qui ont marqué... et qui continue à marquer les esprits. La preuve, l'hymne à l'amour par Céline Dion sur la Tour Eiffel. Bon, on chante toujours Piaf quand même. Donc Johnny, c'est différent. Et c'est moins classique, c'est peut-être, au niveau du répertoire. Mais on se souviendra de l'homme, de ce qu'il a pu représenter dans la culture française à son époque. Voilà, on parle encore de Victor Hugo, c'est pas la même chose. On est dans la littérature, donc la littérature traverse plus facilement le temps. Mais cette popularité de Victor Hugo qui a permis que le jour de ses obsèques, il y ait 1 million de personnes dans la rue, c'est un petit peu la... C'est comparable avec Johnny. Hein. 1 million de personnes est descendu dans la rue, ça a un sens. Bien sûr. Sur la popularité de cet homme. Donc rien que pour ça, il fait partie de l'histoire. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer, et dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette, quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, oui le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Donc revenons à ton livre, on est dans le premier volume, donc 1943-1966, et quand tu prends ce livre, quand tu commences à tourner les pages, alors au début on est sur l'ascendance de Johnny Hallyday, et une fois que Johnny est revenu sur Paris, qui veut donc s'exercer à la chanson, et dès 1959-60, ben on tombe dans une course effrénée. Son agenda est copieusement rempli, garni, et il pouvait enchaîner au début des années 60 20 dates de suite. On voit des trucs, mais tu dis c'est affolant, c'est effarant. C'est effarant. Oui, tout le temps. Et tout le temps, même après. Hein, je veux dire, on se demande quand est-ce qu'il il avait le temps de vivre, quoi. C'est vrai. Il était sans arrêt sur les routes, sur la scène. Il y avait toujours un événement particulier, professionnel. Voilà, c'était un tourbillon, sa vie. Hein. Donc, et surtout là, à cette période-là où tout commence, où tout arrive, c'était assez vertigineux et en plus, c'était assez violent. Bien sûr. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que même lors des tournées, etc., il se passait des choses incroyables. Et ça, c'est amusant à raconter, effectivement, de retrouver les articles qui racontent ça, ou des endroits où ils passaient, où les jeunes cassaient tout, où ils repartaient, quand ils repartaient, les maires de certaines communes s'arrachaient les cheveux parce que, voilà, tout était sans dessus dessous. Oui, oui. Tout est cassé. Oui, voilà, et même, il a été interdit carrément de revenir dans telle ou telle ville pendant des années. Oui. Oui, le maire, je crois que c'était le maire, c'est à Bayonne, il me semble-t-il, qui lui dit, ouais, mon palais, mon théâtre de verdure, mon théâtre, je veux bien qu'il soit, je préfère le détruire moi-même, et plutôt que ce soit fait par, voilà, je ne sais plus comment il a dit la chose, mais c'était assez drôle, et donc il lui a dit l'année prochaine, vous passerez aux arènes, mais vous passerez plus dans le théâtre. C'est ça. Donc il y a effectivement, les gens craignait qu'il se passe des choses incroyables. Il avait été interdit de séjour dans ma ville, Alès. Le maire d'Alès, à l'époque, l'avait interdit de séjour parce que tout avait été cassé donc au théâtre de Verdure. Et c'était un jeune mec de Canol, donc un petit village de 300 âmes à l'époque, qui avait décidé de le faire venir en se disant « je vais tenter le coup, je vais appeler Johnny Starr, qui était alors le manager de Johnny, et je vais demander combien ça peut coûter de faire venir Johnny dans ma commune, quoi ». Et il s'est rendu compte que ça coûtait pas plus cher finalement que de faire venir des spectacles de taureaux, parce qu'il faisait ça hein, dans la région, dans le sud. El Gallo, ce genre de spectacle. Et donc, il s'est rendu compte que ce n'était pas plus cher. Donc, Johnny Stark lui a dit, il y a cette date qui est disponible au mois d'août, il n'y en a pas d'autre. Et donc, banco, on signe. Et ils ont fait venir Johnny, mais sans prendre la peine de prévoir un service de sécurité et tout ça. Donc, il aurait pu arriver n'importe quoi. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'il y avait qu'un garde-chasse qui était là, qui surveillait pour voir, parce qu'il y avait tout un défilé de motos qui venaient, il y avait plein de motards qui débarquaient, donc l'autre, il était là pour essayer de gérer un petit peu la circulation et tout ça. Quelques gendarmes de la commune d'à côté, mais en fait... Il aurait pu se passer n'importe quoi. Et à l'époque, on faisait encore les choses, et c'est ça qui est amusant quand on reconstitue la carrière de Johnny. On faisait les choses de façon artisanale. Mmh. Et voilà. Après, ça devient, c'est pas que c'est ce qu'il est moins intéressant, mais ça devient moins intéressant quand Johnny devient une espèce d'institution où il est hyper protégé, où il est inapprochable, etc. Quand il a une garde rapprochée, après c'est terminé. Une fois que tout est bien géré et quoi, quand ils sont devenus vraiment, tout ressemble après. Vraiment pro. Tout semble uniforme après, tous les spectacles se ressemblent. Mmh. Alors que là, on peut différencier un spectacle de. Le spectacle de Bayonne ne sera pas le même que celui de La Rochelle, etc. Donc, il se passait toujours quelque chose d'inattendu, quoi. Et c'est ça qui était très intéressant de lire dans ce livre-là, justement, c'est toutes les interdictions auxquelles il a dû faire face, face à toutes les brimes aussi qu'il a dû faire face également, parce que le rock'n'roll, c'était tout nouveau et qu'il fallait se battre. Mmh. Il fallait qu'il se batte, il fallait qu'il s'affirme, il fallait qu'il enfin se concrétiser. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment la musique. Johnny en live à l'Olympia en 1962. Dansons le twist, ouais. Together like we did last year. Do you remember when things are really happening? Come on, let's twist again. Twisting time is here. Around and around and up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. And then come on, let's twist again. Again like we did last summer. Yeah, yeah, twist again, like we did last year. Let's twist! Est-ce que vous connaissez le morceau Potatoes? Bon, on va tous la prendre ensemble. D'accord? Est-ce que vous avez un mouchoir? Vous en avez un, vous le sortez de votre poche et vous faites un nœud au bout. Comme ça. Bon. Un mouchoir? Après, vous le tournez au-dessus de la tête! Y'a pas plus de mouchoir que ça? Ah, prends-moi la main! Toi, mon petit béguin! Oh oui, viens avec moi! Apprends la scène vos pas! Ah, c'est tout ce qu'il y a comme mouchoir? Allez, oui, c'est ça! Ah, tu vas la main! trompette de Charleston. Est-ce que ce soit le refrain? Tu danseras comme personne. Ah, tu peux aussi le danser de ce monde. Aussi tu en as envie, le faire très rapidement. T'as pas de mouchoir, mon vieux? T'as pas de mouchoir? Viens, prends celui-là. Ah, ça, c'est mon autre cravate, je regrette. Hein. La cravate, là. La cravate! Enlève ta cravate. Merci beaucoup, merci. Et là, j'aimerais maintenant remercier mon ami Conrad Sweden, qui est venu spécialement des États-Unis pour nous apprendre le mashed potatoes. Alors, pour Conrad Sprengel, un merci. On continue avec les mashed potatoes? Oui. Yeah. Allez! Johnny et le mashed potatoes. On retrouve tout de suite Frédéric Quilonero, l'invité de l'émission Johnny de A à Z. Et est-ce que c'est pas oui. son opiniâtreté qui le menait justement à Johnny? L'opiniâtreté et l'intelligence, parce que d'avoir mené l'instinct. D'avoir mené, alors il n'était pas tout seul évidemment, il y avait Johnny Stark, après il y a eu Jean Ponce, il y a eu d'autres personnes qui ont géré sa carrière, mais il avait son mot à dire et il ne se gênait pas pour le dire, il savait ce qu'il voulait. C'est surtout d'avoir su comment rentrer dans le rang sans y rentrer vraiment, quoi. Alors on le critiquait parce qu'il faisait du rock, on va faire du twist. C'est plus gentil, donc ça rallie une génération quand même au-dessus, donc qui dit oh, ben finalement Johnny il est pas si c'est pas un voyou quoi, il est pas si méchant que ça, donc c'est gentil. Après il se marie, il fait l'armée, il rentre dans le rang tout le temps, mais il garde cet esprit rebelle tout le temps et cette âme rock quoi qu'il a toujours eu. Et donc c'est ça, cette intelligence de mener le métier. Alors on a dit qu'il était caméléon, la période hippie, c'est vrai que ça n'a pas été spécialement sa meilleure, même si moi j'aime bien San Francisco, j'aime bien cette période. Elle a été courte quand même. Hein. Elle a été très courte, voilà. Elle a été très courte. Il est très vite revenu aux fondamentaux quoi, du rock. 66, ça redémarre. Donc le livre se termine au moment où ça redémarre avec Mickey Jones, Tommy Brown, on est en plein swinging London et puis ce rock d'outre-Manche quoi. Est-ce qu'on peut parler de mutation définitive de John Hayder en 1966? Il a trouvé sa voie? Il a trouvé, en tout cas il revient aux fondamentaux et il relance sa carrière parce qu'il revient en 65, il revient de l'armée. Il y a eu Dutronc, Polnareff, bon, Antoine qui s'est foutu de sa gueule gentiment, mais qui est vite passé. Mais il y avait quand même Dutronc, Polnareff, des gens comme ça qui arrivaient avec un vrai univers. Johnny, lui, a fait sa carrière avec l'époque des yéyés, des adaptations. On adaptait les tubes anglo-saxons, américains surtout. Dutronc, Polnareff arrivaient avec des chansons originales. Ils étaient auteurs, compositeurs, interprètes pour Polnareff compositeur pour Dutronc, avec des textes de Lance Mann. Donc, il y avait vraiment quelque chose de neuf qui arrivait, un sang neuf. Et Johnny, tout à coup, revient de l'armée. Lui, bon, il avait fait le pénitencier qui avait marché, des trucs comme ça, mais il se trouvait presque sur la touche. Mmh. Un peu ringardisé, quoi. Il faisait partie d'une autre époque, déjà. Donc, ça allait très vite. Et il a su, là, grâce à Eddie Vartan, et qui lui a trouvé Mickey Jones et Tommy Brown, qui étaient quand même des musiciens de Sylvie Vartan, il ne faut pas l'oublier. Il a reconstruit un orchestre autour de ces deux personnes qui ont été fondamentales dans le virage qu'a pris Johnny à ce moment-là. Et ils se sont beaucoup inspirés, justement, du Swinging London, mmh, qui était tendance à ce moment-là. La modernité, la tendance venait de Londres et plus d'Amérique. Donc, et ensuite, il a su, et ça viendra dans le volume 2, il a su faire appel à des auteurs après. C'est-à-dire Philippe Labreau, son ami Long Chris, qui avait quand même une plume intéressante. Qui ensuite, donc, du coup, il s'est constitué un répertoire, pour le coup, original. Voilà. Il était encore aux adaptations en 66. Ah, hein. Oui. On reprenait Otis Redding, c'était l'époque de la soul qui marchait bien aussi à ce moment-là. Donc, on reprenait les standards de la soul. Mais ensuite, à partir de 68 et surtout 69, après, avec l'album Rivière ouvre ton lit, au bandeau, là, on est dans quelque chose d'un répertoire qui lui appartient. Mmh, voilà. Tout à fait. Mickey Jones compose et écrive pour lui avec des auteurs français qui vont lui écrire un répertoire comme ça. Et ça va durer au moins 10 ans, quoi. On va dire jusqu'à 75, Mickey Jones, Tommy Brown. Mickey Jones en va un peu avant. Tommy Brown part en 75. Voilà, ou décède même, je crois qu'il est mort après Tommy Brown. Il est mort en 77, Tommy Brown, oui. Ouais. Ben, en 75, c'était fini déjà, donc ils sont partis. Ailleurs, Mickey Jones est parti pour fonder Foreigner. Voilà, donc, oui, mais toute cette période-là, c'est l'époque bénie, c'est l'époque en or de Johnny. Ben, de toute façon, on va le rappeler encore, c'est ta période. Le volume 2 va représenter, en gros, la période que tu préfères, en quelque sorte, de 1966. La période que je préfère, ouais. La période que je préfère et que j'ai connue. Oui, c'est ça aussi. Là, le volume 1, en fait, je raconte l'histoire, en fait, voilà. Un truc que j'ai pas connu. Mais c'est bien de replonger dedans, justement, c'est qu'on découvre ça. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande rien, tu ne comprendrais pas en découvrant.

parce que alors la musique est aussi pourrie. Donc je vais peut-être en choisir un autre au 73. T'en retrouves. Alors, est-ce que t'as vu un peu dans ton écriture, dans l'écriture de ce livre, des auteurs, des journalistes qui ont évolué avec le temps, qui au début n'aimaient pas Johnny, puis après, deux ans après, ils se disent en fin de compte, c'est un phénomène de société, c'est un bon chanteur, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de voilà. La plupart, ceux qui ont écrit les saloperies quand il est passé à la Casa. À l'Alhambra, pardon, avec Raymond Devos, tout cela, y compris Claude Sarotte du Monde, après, 10 ans plus tard, il l'adorait. Et il le considérait comme un chanteur, un intouchable, quand même, un grand de la chanson. Voilà, oui, la plupart de... Mais au départ, il n'y en avait pas beaucoup qui le défendaient quand même. Hein. Bien sûr. On trouve plus facilement des articles à charge que des compliments quand même, hein. Mais c'est ça qui est amusant aussi. C'est amusant de voir l'espèce de haine, peut-être pas de haine, mais de mauvaise foi ou de méchanceté qu'il pouvait inspirer aux gens, comme s'il était un danger pour la jeunesse. C'est ça en fait. Comme aujourd'hui, on peut parler de, et encore, je ne sais pas si c'est comparable, mais à certains chanteurs de rap, quoi. Mais à l'époque, c'est vrai, on considérait que c'était un danger public pour les jeunes. C'était ça le truc, hein, la plupart des articles, c'était ça le contenu. De toute façon, Johnny Hallyday, en 2007 ou 2006, en 2006, je crois, c'est en 2006, qui disait que le rap, c'est le rock'n'roll d'hier. Oui, c'est un petit peu ça. C'est le même phénomène, on va dire, le même phénomène, ouais. La confrontation de générations. Oui, c'est une musique de jeunes. Donc, du coup, à partir du moment où c'est une musique de jeunes, il y a toujours des gens plus vieux pour critiquer, pour dire que c'est une musique de sauvage ou un truc voilà, qui va, que la jeunesse est illettrée. C'était ça à l'époque, hein, la Nuit de la Nation, je me souviens, il y en avait un qui avait dit que c'était la jeunesse ignorante en histoire qui était dans la rue. Enfin voilà, alors qu'en fait c'est la jeunesse qui a amené mai 68, elle n'était pas si ignorante et si inculte que ça. Par cette chanson. Cette terre-là qui me rappelle autrefois. Oublie-le s'il le faut. Ne touche pas à ce piano. Oh non, ne le joue pas. Mon cœur n'y tiendrait pas. De l'entendre, je le sais. Je me souviendrai qu'elle me disait. Se parlait, notre amour était si grand que tout le ciel tenait dedans. Et depuis, si quelqu'un fredonne, mon cœur s'abandonne. J'entends jouer des violons, j'entends sa chanson et sa voix qui disait. Frédéric Quinonero est toujours au micro de l'émission Johnny de A à Z. Est-ce qu'on peut dire que Johnny a été un vrai mouvement sociétal? Car est-ce qu'il a montré, dans les années 60, même au début des années 60, une voix de rébellion, tomber les chaînes, casser un peu les principes des autres générations? Complètement, oui. Il l'était de façon instinctive. Il n'était pas de façon intellectuelle ou réfléchie. Il l'était parce qu'il arrivait avec son âge, avec son envie de vivre. C'était l'époque où il n'y avait pas d'âge intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Hein. C'est ce qu'avait raconté Edgar Morin dans un article du Monde. L'adolescence, c'est eux qui l'ont inventé quasiment, les Johnny et les autres qui ont suivi. Ils ont imposé leurs coutumes, ils ont imposé leur façon de parler, de s'habiller, de danser, de faire la fête, leur musique. Donc, en ça, oui, ils ont été révolutionnaires. Et ils ont amené ensuite mai 68, mais mai 68, ça s'est fait de façon, là, pour le coup, un peu plus intellectuelle. Tout à fait, voilà. Les chanteurs, on va dire, de ce côté-là, hop, je ne donne pas mon mot, vous suivez votre voix, c'est vous qui vous mobilisez tous, donc nous, on n'a rien à faire là-dedans. C'est ça, oui. Et Johnny, c'est vrai que c'est un grand coup de pied dans la fourmilière à ce moment-là. On était quand même, quand Johnny est arrivé en 60, on était à Marino Marini, Tino Rossi. Il y avait Charles Trenet qui swingait bien, quoi. Ouais. Mais qui faisait quand même déjà partie du passé. Maurice Chevalier également. Gloria Lasso, Chevalier, tout voilà. Ça. Oui, c'est ça. Le plus moderne de tous, c'était Charles Trenet. Ouais. C'était lui qui avait amené le swing et qui reste peut-être quelqu'un qui a marqué les esprits et la chanson française, en tout cas qui a apporté un sang neuf à son époque. Mais Johnny, c'était une autre forme de musique rythmée qui arrivait et qui balayait tout. Du coup, Dalida, qui venait de démarrer 5 ans plus tôt, était déjà ringarde en 60. C'est bien pour ça que Lucien Maurice, l'arrivée de Johnny, il n'a pas vu ça forcément d'un bon œil, quoi. Bien sûr. Et là, donc, je vérifiais, donc je pensais au Twist du Canotier. C'est pas Charles Trenet, c'est Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, avec les chaussettes noires. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain, et elle craignait de quitter sa cabine, et elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première. Voilà ce qui arriva. Non. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines, et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première. Voilà ce qui arriva. Eh bah, oh. Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi? Et son petit. En tout cas, c'est terminé. Et on parle justement, tu parles donc de Lucien Maurice, donc directeur de l'époque de la programmation d'Europe 1. Il avait t'as trouvé dans ton livre, dans tes nouvelles recherches, que ce n'est pas le premier 45 tours de Johnny Hallyday qui casse, mais le deuxième ou troisième. Troisième. Itsy Bitsy. Itsy Bitsy, Petit Bikini. Oui, qui était repris par Hallyday également. C'est ça, ouais. En fait, c'était Christian Novelers, je crois, qui avait trouvé ça dans Jukebox Magazine, qui était quand même une source vachement importante. Moi, je me souviens quand j'ai écrit le premier éphéméride en 2006, mes sources, vraiment, une de mes principales sources, ça a été Jukebox Magazine, parce que je les avais tous, je les ai encore d'ailleurs, il y avait des gens comme Christian Novelers qui était, il a été mon correcteur sur un bouquin, je crois que c'était pas Johnny, mais c'était Sylvie Vartan, jour après jour, c'était l'éphéméride de Sylvie, et il était pète-couille, mais à un point, il était, rigoureux, le moindre truc allait pas, il était derrière pour dire il faut changer ça, ça va pas, voilà. Mais vraiment très pointilleux. Mais je le remercie pour ça, parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Il faisait des recherches et tout. C'était un Belge. Il faisait des recherches en Belgique. Il avait retrouvé des magazines de l'époque. Il y avait un magazine, justement, qui s'appelait Jukebox en Belgique et d'autres comme ça. C'est lui qui m'avait trouvé, par exemple, le planning complet de la tournée Cinémon de 1962. Mm-hmm. Ça, personne ne l'avait, quoi. Et tout à coup, avec l'éphéméride, hop, j'ai eu tout le planning de la tournée Cinémon de 62. Alors, est-ce que il y a eu des dates qui ont été changées, on le saura peut-être jamais, mais en attendant, le planning d'époque qui avait été diffusé, publié probablement dans un magazine belge, c'est Christian Novelas qui me l'avait donné. Donc, et ce mec-là qui écrivait dans Jukebox, et il avait retrouvé justement l'article qui disait précisément, à l'époque, en 61, que Lucien Maurice avait cassé Itsy Bitsy Petit Bikini à l'antenne, parce que, tout à coup, je suppose, ça faisait un peu lourdingue pour lui, ça faisait encore une reprise de Dalida. Après Téméphonement. Il était quand même le mari de Dalida, il défendait Dalida, qui était en train de se ringardiser, et qui arrivait de façon un petit peu ridicule à chanter la leçon de twist au Petit Gonzalez. Heureusement pour elle, elle est devenue la tragédienne que l'on sait après. Elle a subi Furqué, mais c'était pas sa meilleure période, hein, à Dalida, quand le twist est arrivé. Donc Johnny l'a ringardisé vraiment, et Lucien Maurice, qu'il aimait beaucoup quand même, sa chère Dalida, voilà, il était monté au créneau. Et puis après se sont réconciliés, que Johnny est devenu. Puis Johnny est rentré dans le rang encore une fois, c'est ça. Johnny, il a commencé à... les journalistes ont commencé à le regarder différemment quand il est parti à l'armée, en fait. Tout à coup, il devenait quelqu'un de bien. C'était le rocker qui s'assagit, qui va faire son service militaire, qui va se marier aussi. Il se marie, il va faire un enfant, il va être papa. Donc vraiment, il coche toutes les cases. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment la musique. Johnny en live. Aux Pays-Bas, oui. À Amsterdam en 1963. Une rare version de Tendres années, dans les années 60. Tu me dis que tu m'aimes, je sais. Tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime, bien plus fort, en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. La lumière est là, oui, que pour lui, le sait-on. La lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui qu'un espoir, au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. peut-être pour toi le premier. J'attendrai afin d'être dans ton cœur le dernier. Je serai. Il y avait aussi l'émission justement de Salut les copains qui était sur Europe 1 et qui a familiarisé un petit peu Johnny avec la population, avec les gens également, car il se confiait au micro de Daniel Filipacchi. Non seulement ça, mais puis il écrivait une lettre, hein, la lettre de Johnny, qui paraissait tous les mois dans Salut les copains. Donc c'est vraiment, il était le chef en fait, le chef de file, hein, de Salut les copains, c'était lui. Voilà, ce qui était normal, parce que comme dit Jean-Marie Perrier, Salut les copains a existé parce que Johnny Hallyday existait, pas l'inverse. Et de son, il rend bien hommage sur la fameuse photo de Salut les copains où il est carrément sur la marche, sur la première ou deuxième marche de l'échelle. Et oui, il avait trouvé un stratagème pour pas vexer les autres, hein, en mettant cette échelle et en disant à Johnny, je te vois pas, monte un peu, je te vois pas. Donc finalement, Johnny dominait tout le monde, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as pu corriger depuis 2006 ? Des trucs auxquels tu pensais que tu étais mordicus, tu dis c'est ça, et en fin de compte, tu as pu trouver une autre version et qui est vraiment véritable. Il y en a pas mal. C'est quoi qui m'a posé le plus de problèmes ? C'était le planning de retour de l'armée, en fait. Mm. Et ça a posé de problèmes, je me suis rendu compte, à plein de gens, à plein de fans, mais même dans Jukebox. C'est-à-dire que. On hésitait. En fait, le problème, il vient du fait que l'armée a libéré Johnny avant l'heure. Oui. C'était pas tout à fait la quille. Et on lui a dit, tu peux commencer ta tournée le 5 août, mais tant que tu n'es pas officiellement libéré de l'armée, tu portes l'uniforme. Donc, la tournée commence le 5 août, mais la quille intervient le 22 ou 23, je ne sais plus, un peu plus tard. Donc, en fait, on a confondu, je crois, les deux dates. Et on le faisait chanter, je crois, à Colmar ou je ne sais plus quoi, ou à Saint-Jean, à Juin-les-Pins, le jour de le 5 août. Donc, du coup, j'ai vraiment galéré, même là, si tu veux, ça ne me revient pas exactement les dates. Je crois que c'est Strasbourg le 5, et qu'il y a un jour où il est en matinée et en soirée. Enfin, bref, j'ai pu reconstituer tout ça. Et j'ai retrouvé notamment un article d'un journal local de Strasbourg où ils interviewent Johnny le jour de la quille. Et donc là, les dates qui suivent la quille, elles sont exactes parce qu'elles ont été diffusées dans ce journal-là. En fait, les bonnes sources, ce n'est pas forcément les témoignages des gens, même ceux qui l'ont connu, ils ont la mémoire quelquefois qui défaille. Les bonnes sources, c'est les journaux de l'époque. C'est ça. Voilà, il faut tomber sur le journal de l'époque avec l'article qui fait foi. Voilà. Et donc ce livre en est rempli, c'est ça qui est très intéressant également, c'est découvrir toutes les coupures de presse qu'on pouvait avoir, ou à la rigueur dans les magazines à l'époque, de retrouver toutes ces informations-là, parce qu'on peut les lire, et toi tu les retranscris après les côtés dans la date. Mais c'est intéressant de voir un peu ce qu'écrivaient justement les auteurs de ces textes-là, les journalistes. C'était intéressant de voir un peu leurs plumes et voir un peu comment ils jugeaient Johnny. Ouais. Alors quelquefois, on trouve des trucs aussi qui sont arrangés, édulcorés. Mais bon, c'est amusant aussi, quoi, de voir un petit peu comment la presse pouvait traiter le personnage et tout ça. J'ai découvert, parmi les trucs que j'ai découvert, c'est j'ai retrouvé des articles inédits, donc en fouinant dans les archives municipales, de la tentative de suicide. La tentative de suicide, à l'époque, il y en a certains qui ont raconté, et encore aujourd'hui, hein, que c'était du chiquet, que c'était voilà, pour faire vendre, comme Johnny marchait plus beaucoup depuis son retour de l'armée, etc. Donc, pour lancer Noir, c'est Noir, on s'était dit, oh ben tiens, une tentative de suicide, ça va faire un bon coup publicitaire et ça va booster les ventes. C'est alors qu'en fait, je pense qu'il n'en avait pas trop besoin, parce que Cheveux longs, idées courtes, c'était quand même un succès en 45 tours. Ça s'est très bien vendu juste avant. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, je pensais que Sylvie Vartan menaçait. On a souvent dit ça, ouais, il revenait de Londres, il a enregistré Noir c'est Noir. Il a appris en revenant qu'il avait un redressement d'impôts et que Sylvie Vartan voulait demander le divorce. Mais en fait, il ne l'a pas appris en descendant d'avion. Le divorce a failli être prononcé. Il est allé lui-même avec Sylvie Vartan devant le juge. Ils sont passés devant le juge. Le juge qui a statué que le divorce, en fait, que la garde de l'enfant, donc de David, serait pour la mère, et que Johnny, voilà, on avait déterminé aussi le montant de la pension de Johnny, etc. Je ne pensais pas que c'était allé si loin. Voilà. Ouais, on l'a ici. Johnny Sylvie, ouais. Divorce, on l'a. Divorce, voilà, oui. C'était presque officiel, en fait. Le truc de divorce était carrément signé. Il a fallu je ne sais quoi. Johnny, je crois que, et ça, c'est des témoignages de gens en province, c'est ça qui est touchant, émouvant et intéressant, quand on peut avoir ce genre de témoignages de gens. Parce que Johnny continuait à tourner en province et faire des spectacles et des échanges de coups de fil avec Sylvie où il était accroché au téléphone en la suppliant de ne pas divorcer. Et finalement, le jour où c'est arrivé, où elle a dit finalement, bon, mais je ne divorce plus, je reviens, il était, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est à Bourg-en-Bresse, il me semble. Hein, et il a raccroché, il était heureux, presque en larmes, de savoir que Sylvie ne divorçait plus. Voilà, donc ça, c'est les souvenirs et les témoignages de gens de l'époque, quoi. Bourg-en-Bresse, par exemple, j'ai trouvé... j'ai réussi à trouver les dates, parce qu'on n'avait pas la date de 61 de Bourg-en-Bresse. Hein. Je l'ai cherché lamentablement. Alors, je ne dirais pas comment, hein, mais j'ai fini par trouver le Bressan qu'il fallait, qui avait toutes les dates. Qui avait toutes les dates et les articles, surtout les articles de presse de l'époque. Et voilà, donc. Mais c'est ça, justement, c'est. Alors, j'espère que. Pour les années 90-2000, j'aurai le même plaisir, le même bonheur de trouver des choses un petit peu croustillantes et émouvantes comme ça, quoi. Bien sûr, oui, parce qu'on a peur que ce soit un peu trop lisse après, dans les dernières années. Et un peu trop répétitif, toujours les mêmes choses, quoi. Ouais. Donc je ne pense pas que je m'arrêterai systématiquement à 15 villes de la tournée, par exemple, parce que il y a des chances pour que ce soit un petit peu toujours pareil. Bien sûr. Et l'important, c'est pas tellement de savoir ce qu'il a chanté, parce qu'en général, dans les tournées, il chante à peu près, c'est toujours le même programme. Hein. Si on prend une tournée, à part une chanson ou deux de temps en temps qui sont modifiées, mais quand il part pour une tournée d'été, par exemple, il y a des chances pour que ce soit le même répertoire dans toutes les villes, à un rappel près. Voilà. Donc, c'est pas tellement ça qui compte. C'est c'est tout ce qui se passe autour, c'est l'accueil, c'est comment réagissent les gens, ce qui se passe in situ, les organisateurs qui tout à coup sont dépassés, font venir les pompiers, font venir la police parce qu'ils ont peur de je ne sais quoi. Et voilà, celui qui se prend une bouteille dans la gueule, enfin, mais des trucs comme ça, c'est ça qui est amusant et qui donne un plus, quoi. Bien sûr, monsieur, le petit truc croustillant qu'on attend, on attend tous à chaque fois. On ne parle pas de livres à scandale ou quoi que ce soit, hein. On ne parle pas des livres qu'on connaît et qu'on combat, justement. Oui. Alibay by Alibay. Johnny en live. En moment la musique. Johnny en live à l'Olympia en 1964. Pas cette chanson. Pas cette chanson. Non. Ne joue pas à cet air-là qui me rappelle autrefois. Oublie-le s'il le faut. On ne touche pas à ce piano. Si grand que tout le ciel tenait dedans. Et depuis, j'ai quelqu'un prêt à mon cœur. Mon cœur s'abandonne. J'entends jouer des violons. J'entends sa chanson et sa voix qui disait. Excuse-moi, partner, de venir à toi. Et c'est avec ma fille que tu danses là. Et excuse-moi, partner, de paraître froid. Et tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ouais. Ses pleurs ont suivi. Excuse-moi, partner, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partner, de parler comme ça. Ah, ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, ne pensez pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Chaque fille, entre mes bras, entre mes bras, m'offre la joie. Excuse-moi, partner, de t'interrompre ainsi. Ah, ah oui, ailleurs il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là relance avec moi. Ah oui, ah oui, excuse-moi, parfait. Et t'interrompre ainsi. Aujourd'hui, Johnny de AZ reçoit Frédéric Chioneiro qui nous parle de sa nouvelle édition Johnny au jour le jour, le volume 1, 1943 à 1966. J'ai édité, tu vois, contrairement à ce que j'ai... En 2006, j'avais tendance à... un petit peu tout dire, c'est-à-dire tout ce que je trouvais, je disais, ah ben tiens, c'est bon, allez, et je notais. Là, j'ai quand même trié certaines choses, quoi. Il y a des trucs qui sont pas nécessaires, de même si c'est un agenda qui est supposé être au jour le jour, mais les gros titres de France Dimanche et d'ici Paris, quand c'est amusant, je les cite, quand ça sert le propos. Sinon, je le fais pas, je le fais plus. Voilà. Ou Johnny, ce soir-là, est allé voir tel film en avant-première. Si ça sert pas sa carrière ou ça, si ça dit pas quelque chose de l'époque ou de ce qu'on est en train de raconter, c'est pas nécessaire. Bien sûr, bien sûr. C'est pas son brossage de dents quotidien non plus. Voilà. Parce que là, on va dire en gros que. L'éphéméride, le premier éphéméride, donc tu es sorti en 2006 et tu l'as arrêté de l'écrire en quelque sorte juste avant les concerts du Flashback Tour. Ouf, oui, on peut dire ça, ça tombait. Ça tombait à ce moment-là. La parution du livre est tombée à ce moment-là, mais voilà. je l'ai écrit toute ma vie, quoi. Bien sûr, voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas arrêté pour autant de faire des recherches, de continuer tes petits bouquins, C'est le plus intéressant du travail, en fait. C'est ça, c'est le comme c'est le plus intéressant quand on est biographe, c'est les recherches, c'est la documentation, et quand on trouve des trucs qu'on sait que c'est inédit, ou une date d'une tournée que personne n'a et qu'on la découvre, ou une erreur qui a été faite. Par exemple, je ne sais pas, aux archives, j'ai cherché un jour, je ne sais plus quelle date, mais bon, c'est pour le premier volume, donc je pense que ça doit être 61, 62. On avait relevé sur le planning, alors aussi bien moi que Johnny Le Web, puisque les bases, c'est ça, hein, les plannings, c'était moi avec l'éphéméride et Johnny Le Web, avant-après. Hein, donc, et donc, il y avait une date à Nîmes, je dis, mais attends, il faut. Alors je demande à consulter le classeur donc de cette année-là, et je regarde à la date dite, machin, et à la date dite, en fait, aux arènes de Nîmes, il y avait une corrida. Donc, je dis, il y a un problème, c'est pas cette date-là, et tout ça. Et puis, en cherchant, tournant les pages, etc., pouf, à un moment, je tombe sur Johnny, et paf, à une autre date. J'ai dit, il est passé à Nîmes à cette date-là, et donc j'ai corrigé la date. Donc, il y a des trucs comme ça, quand on trouve ça, c'est le Graal, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est comme quand on fait un puzzle et que on trouve la pièce manquante, quoi. C'est toujours ça, quoi, ce même plaisir, quoi, un truc de gamin. Je l'ai quitté, j'ai tant que je la vois, elle ne sait que répéter. Reviens, Johnny, reviens, viens, Johnny, reviens, viens. vient vers moi. Et quand j'aurais voulu la voir seule avec moi, elle a mené des copains qui troublaient ma joie. Quand je voulais sortir, elle ne le voulait pas. Si je ne cédais pas, elle pleurait dans mes bras. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Sitôt que je la vois, elle ne sait que répéter: reviens, Johnny, reviens. Vers moi. Go! Chagrin. Je croyais bien qu'elle m'avait enfin oublié, mais il n'en était rien, j'ai pu le constater. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quitté. Toujours elle ne fait que répéter: ah reviens, ah Johnny reviens, viens, ah Johnny reviens, ouais viens, Johnny reviens, ouais viens, Johnny reviens, viens, ah reviens vers moi. Et c'est comme la dernière fois, j'ai fait une émission sur les sorties des 25 cm de Johnny Hallyday de 1960 à 1965. Et j'étais tombé sur une difficulté au niveau des dates de sortie. Et tu m'as donné la réponse que les disques à l'époque ne sortaient pas un samedi ou un dimanche. Ça ne sortait pas ces jours-là. Et que donc, il y avait beaucoup de dates. Et que beaucoup, voilà. Mais ça ne sortait pas le samedi. Et que beaucoup de dates qu'on retrouve sur Johnny le Web et tout ça étaient erronées également. Et même sur d'autres revues, hein, que ce soit sur La Tour. La Tour de Johnny Hallyday par Universal, les dates sont fausses. Beaucoup de dates sont fausses. Mais l'avantage de faire un agenda, tu vois, c'est qu'on tient compte des jours. Le calendrier, c'est mon meilleur, si tu veux, ma meilleure preuve. En fait, tu donnes une date, tu dis: oh ben tiens, le disque, il est sorti le 30 novembre. Tu regardes le calendrier, 30 novembre, c'est un dimanche. Ouais. Ça m'étonnerait, tu vois. C'est pas possible, oui. Il n'y avait pas trop d'ouverture. Déjà, voilà. Là, on ne sait pas la bonne date, mais on sait qu'en tout cas, celle-là est fausse. Mmh. Tu vois. Donc, après, on fait aussi quelquefois la. Il faut avoir une certaine logique. Un événement ne peut pas avoir eu lieu tel jour, par exemple. Tu te dis non, ce n'est pas possible tel jour. Donc, tu cherches. Il n'y a pas longtemps aussi, je suis tombé sur un article où on n'a pas la date et personne l'a. Même j'ai regardé sur les forums, sur la. De Johnny, etc. Les gens disent: oh, mais ils sont gentils, ils diffusent l'article, mais on ne connaît pas la date exacte, on ne sait pas quel jour. Sauf que dans la date, dans l'article, ils disent que ça s'est passé un vendredi et au mois d'août. Je suis allé dans mon éphéméride, je regardais au mois d'août mon planning de tournée, et ben le seul trou que j'avais, c'était le 30, je crois, 30 août. Je dis des trucs, hein, c'est peut-être pas à peu près exact. J'ai le souvenir à peu près de ça. C'est pour te dire la démarche. Je n'avais que le vendredi 30 août de trou. Les autres étaient comblés par une autre. Donc, c'était forcément le vendredi 30 août. Et j'ai eu ma réponse. Et on a aussi. Et donc, j'ai casé la ville là. Bien sûr. Et il y a aussi. À l'époque, c'était différent aussi parce qu'il y avait beaucoup de diffusions télévisées, par exemple. Mais un reportage sur Johnny Hallyday, des fois, était diffusé 3 ou 4 mois, 6 mois après la vraie date également. Ouais. Là aussi, on peut avoir des petites faussetés par rapport à ça. Et ça. Puis aussi, avec les archives audio et radio, on arrive également à se repérer dans le temps, à savoir aussi. Ça nous aide aussi dans nos recherches. Ouais. Quelque chose aussi qui peut servir pour la reconstitution des plannings de tournée, c'est que si le 13 juin, je dis n'importe quoi, il est à Valenciennes, le 14 juin, il y a des fortes chances pour qu'il ne soit pas à Nice. Ben oui. Parce qu'il faut compter il faut regarder la distance qui sépare. Alors, quelquefois, je sais qu'il prenait des avions privés de Jean de Gribaldi, mais ce n'était pas tout le temps. Donc, il faisait souvent, à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute en plus, il faisait la tournée en bagnole d'une ville à l'autre par la nationale. Donc, la fourchette, d'une ville à l'autre, il ne faut pas, en général, que ça dépasse les 300-350 km. Ça, oui, il faut pas faire un Johnny Circus non plus, hein. À faire 50 kilomètres. Et le Johnny, le Johnny Circus, c'était encore une autre raison qui c'est faisait ça. Qu'il était obligé de pas aller très loin d'une ville à l'autre, parce que il y avait telle structure, il y avait telle structure que fin des comptes. Voilà, c'était la structure, et c'était, il fallait, ça dépendait aussi, c'était l'étoile du cirque Bouglione, et donc il fallait dépendre de tout ça, quoi. Je me sens seul comme un chien qu'on abandonne. La pluie coule en larmes sur le sol. Oh, trop souvent je suis venu et trop souvent tout seul. J'étais si heureux quand j'étais près d'elle, là-haut sur les monts près du ciel. Jour après jour je suis revenu l'attendre, en mettant mon cœur à l'arme et à cendre. Oh, si tu pouvais être seul aussi. Oh, si tu pouvais penser revenir ici. Mais je chaque fois te revois plus belle, là-haut sur les monts près du ciel. Les monts près du ciel, les monts près du ciel, j'y ai tant souffert. On les appelle les monts près du ciel, pour moi c'est l'enfer. Dans la ville, les gens vivent et les gens s'aiment. Je vois une église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure seul, mon amour perdu, là-haut sur les monts près du ciel. Ouais. Les gens s'aiment, je vois une église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure seul, mon amour perdu, là-haut sur les monts près du ciel. Ah, là-haut sur les monts près du ciel. Ah, là-haut sur les monts près du ciel. Donc, on part sur 4 volumes, hein, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu t'arrêteras au 4e volume le jour de l'enterrement de John Hallyday, le 9 décembre 2017? Ou tu continueras un petit peu après? Quelle est ta ligne de conduite à ce moment-là? Parce qu'on va dire que l'agenda de Johnny n'est plus là. Est-ce qu'il y a besoin de reconduire, de continuer son agenda, même s'il n'est plus là? Ben non, il est mort. Voilà. Non. Moi, tout ce qui arrive après la mort de Johnny ne lui appartient plus. Donc, pour moi, ça ne le concerne plus. Le disque post-mortem qui est sorti, je le traiterai le jour de l'enregistrement. Mm-hmm. Quand Johnny l'a enregistré. Mais tout ce qui se passe après le 5 décembre 2017 ne concerne plus Johnny, donc l'agenda s'arrêtera là. Même le 9, le jour de l'enterrement, tu n'en parleras pas? Ah non, oui, non. Le 9, les obsèques... oui, sinon ça fait partie de. On l'accompagne là, ce jour-là. Oui, on l'accompagne, tout à fait. Il est encore là. Il est dans son cercueil, mais il est là. Il est là. On l'accompagne, ouais. Non, mais après tout ce qui se passe après, toutes les le grand feuilleton d'Alassien qui est arrivé après, non. Voilà, mais bon, on n'en parle pas, on ne parle pas du 4e volume. Nous en sommes déjà au 1er volume, Johnny, au jour le jour, de 1943 à 1966. Et vraiment, vous allez, si vous ne connaissez pas Johnny, même je te dirais, moi je le redécouvre. Avec cette course effrénée, avec tout ce qui se passe pour qu'il puisse concrétiser son rêve en quelque sorte, même s'il voulait devenir acteur à de base, mais pour arriver à ses fins, il est obligé de se battre contre Parmon et Parvaux. Donc c'est un sacré chemin, un sacré bout de chemin qu'il a mené jusqu'à ça, jusqu'à son statut de star et de légende aussi pour le coup. Ouais, mais je fais en sorte justement que ce soit agréable à lire. Mmh. Que ce soit pas seulement des faits, quoi. Nous, on a beaucoup d'infos. Il fait ça. Soit agréable à lire, à la fois de façon linéaire, comme ça on peut le lire du début à la fin, et ce qui est intéressant aussi, comme c'est présenté de la, sous forme de, d'un agenda ou de journal, etc., on peut aussi piocher au hasard, on peut ouvrir à n'importe quel endroit et prendre ce qui nous intéresse à l'intérieur. Voilà, donc il y a beaucoup d'encadrés pour que les choses soient claires, lisibles, que les événements importants soient mis en valeur. Les encadrés, donc pour toi, ce sont les moments les plus importants de l'année, enfin un des moments importants de l'année. Oui, voilà, donc ça peut être des choses évidemment qui sont évidentes. Et d'autres qui le sont un peu moins, mais que je considère quand même importantes, ou intéressantes d'une façon ou d'une autre, amusantes, ou tu vois, qui est un truc bien particulier à mettre en avant, ouais. Tout à fait. Ça, et puis que quoi dire d'autre? Dire que aussi, j'aimerais que les fans non pas se rue dessus, mais soit suffisamment intéressé quand même par ce projet, par cette série, pour pouvoir continuer. Bien sûr. Parce que ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de travail à Christine et à moi. Il faut quand même qu'on soit encouragé. Bien pour sûr, continuer, parce qu'il y a de boulot encore, hein, bien je sûr. Vous le dis. Parce que tu n'es pas sur un grand réseau, tu sais, de l'auto-édition, non. Donc il faut se faire connaître. Ouais. Amazon le distribue, ok, mais tu n'es pas sur un grand réseau, il n'y a pas de publicité. Donc on compte sur les copains, sur les relations qu'on peut avoir pour pouvoir promulguer cet ouvrage que je vous conseille vivement d'acquérir, car on en apprend tout le temps. Il y a tellement de choses. Si je l'ai fait par le biais d'Amazon, c'est précisément parce que les éditeurs ne sont plus intéressés maintenant par, il faut le savoir, des livres sur Johnny aussi complets, aussi précis, aussi détaillés. Ils sont plus intéressés par des choses un petit peu plus intimes ou des sales. On va dire sales. Le truc croustillant, ouais, sale. Pas forcément, mais des trucs très ciblés, quoi. Ouais. Très ciblés. Là, c'est vraiment un truc qui s'adresse aux fans qui ont envie de... Moi, j'ai écrit ce livre, en fait. J'ai écrit ce livre comme le fan que je suis. À l'époque, en 2006, quand j'ai apporté ce projet à l'éditeur, je lui ai apporté le livre dont je rêvais, quoi. Mm-hmm. Ce que j'attendais, ce que j'avais envie, qu'on me raconte tout Johnny, quoi, dans les moindres détails, tout. Un truc qui n'avait jamais été fait, en fait. Yes. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à l'Olympia en 1965. Quand revient la nuit? La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Je suis un soldat, comme d'autres lèvres. J'attends le jour qui verra mon retour. Quand revient la nuit, tout seul je m'en. Si le temps n'en finit pas, je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai, être séparé. Bien sûr, j'ai changé. Ah oui, changé, plus fort que jamais. Je veux t'aimer. Je suis un soldat, comme d'autres lèvres. Oui, qui a laissé son amour à regret. La nuit, quand revient la nuit, je rêve au jour de Le biographe Frédéric Quilonero nous présente dans l'émission Johnny de la Z son dernier ouvrage, Johnny au jour le jour de 1943 à 1966. C'est le volume 1, il y en a trois autres qui devraient arriver. Et là encore une fois, je pense que cette série, elle manquait. Il y a eu beaucoup de livres intéressants sur Johnny, c'est pas ce que je veux dire. Mais vraiment le plus complet qui soit comme ça, sous forme de au jour le jour comme ça, qu'on puisse le piocher à n'importe quel, je sais pas, c'était comme un rêve quoi, le livre rêvé quoi d'un fan, je l'ai conçu comme ça. Et je pense que c'est vraiment un truc qui va, si on veut laisser une trace sur Johnny, si on veut, et c'est, je pense qu'il y a ça relève aussi du collectif, c'est-à-dire que déjà entre nous, tu vois, quand il y a des coquilles ou des petites erreurs, on se le dit, tu vois, on améliore notre connaissance de Johnny, on dit, ah ben tiens, ça c'est vrai, j'ai merdé, c'est une coquille, on la corrige, et on repart, et on refait autrement. Je crois qu'on est tous solidaires. Bien sûr. Entre fans. Ben oui, on entretient cette mémoire-là, et puis s'il y en a qui fait une erreur, ben on va pas le blâmer, justement, on va dire, ah tiens, t'as vu ? Voilà. J'ai trouvé ça. Entretenir la mémoire. Et je ne veux pas me positionner du tout en gardien de mémoire. Hein. Je n'ai pas cette prétention. On est tous, justement, on entretient tous la mémoire de Johnny. Et avec cette série-là, je pense que on est sur la bonne voie. Quoi. C'est une bonne façon de laisser une trace et même s'il y a des petites erreurs ou des petits trucs, parce qu'on en fait tous, moi certains me font part de ah, mais tiens, à telle page il y a ça, etc. À un moment donné ça sera recorrigé, voilà, peut-être qu'à la fin on regroupera le tout dans un seul volume, j'en sais rien, mais pour tout ça il faut l'encouragement quoi. Que ça passionne les gens, si ça les intéresse pas, c'est dommage, hein. Mais à un moment donné, faudra arrêter, quoi. Il y a des choses aussi qui peuvent se passer aussi dans les maisons de disques aussi, qu'ils arrêtent au bout d'un moment de sortir, car donc ça intéresse moins, ou que les coûts également, hein, les coûts sont ouais, vachement importants. Faut voir tout ça également. C'est trop cher des fois, oui. Il faut faire attention aussi, hein. Les fans, ce sont pas des gens qui ils n'ont pas un portefeuille élastique. Hein, donc, moi, j'ai essayé de voir en fonction, justement, avec Amazon, pour voir un petit peu, en fonction des frais d'imprimerie, de redevances, de TVA, tout ça, de fixer un prix qui ne soit pas exorbitant, voilà, qui soit quand même accessible, parce que sinon, si j'avais pu faire moins cher, même, j'aurais fait moins cher, mais je pense qu'il faut aussi que tout le monde s'en sorte, et qu'on puisse continuer justement la série, parce que je me dis que là, le premier volume, il fait 170 pages. Oui. Je pense que le deuxième, il fera beaucoup plus. Il atteindra facilement les 200. Donc, il ne faut pas que le prix bouge, par contre. Tout à fait. Donc, il fallait fixer un prix quand même qui ne bouge pas pour les quatre volumes. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Je t'ai trop fait pleurer. demain tu peux gagner. Et en même temps, on va dire que tu n'as pas de photos, mais ce sont des coupures de presse hein, que tu as de, dans le livre. Et justement, parlons aussi de cette... ce n'est pas une photo qu'il y a en couverture de ce livre, mais un dessin. C'est le dessin que Bernard Dezon, un ami, a fait, que je trouve magnifique, qui représente bien cette période, justement, d'après-guerre. Ouais, en fait, moi, je le définis comme après-guerre. Johnny arrive, et puis Yvan qui va réanimer Paris. Voilà. Ah, oui. Ouais. Je vois dans ce sens-là, comme ça. Avec cette tour Eiffel derrière, en plus, au pied de laquelle, plus tard, il chantera. C'est le petit clin d'œil. Ouais. Et la préface de Rook Lebarge, également. Et la préface de Rook, Échange de bons procédés. J'avais écrit celle de son super livre aussi, que je recommande aux fans s'ils ne l'ont pas déjà en leur possession. La discographie complète donc, de Johnny avec les différentes pochettes, les inédits, machin, tout ça. Et donc, j'avais fait cette préface-là à sa demande. Et donc, je lui ai demandé en retour... du coup, de me faire la préface d'au jour le jour. Voilà. Je n'allais pas demander à nouveau à Michel Mallory, qui m'avait fait celle de 2006. Je lui fais un clin d'œil dans mon avant-propos. Voilà. Ouais. Exactement. Bah, je me rappelle Rook, je l'avais dit. Hein, je dis, mais demande à Frédéric de t'écrire, de te faire une préface. Et il a demandé. Je l'ai fait avec plaisir, parce que... ouais, ben voilà, Rook, toi, David, enfin, il y a plein de gens comme ça. Rook, je le connais depuis longtemps. Hein. Je l'ai connu même avant l'éphéméride de 2006. Mmh. On se parlait en 2004 déjà sur un site qui s'appelait Johnny Music à l'époque. Et parce que moi, j'ai commencé comme ça, hein, sur les forums. Hein. Et un jour, un journaliste qui est devenu un ami après... Benoît Cachin lisait ce que j'écrivais sur les forums. Lui, c'était sur le forum de Sylvie Vartan, mais j'écrivais aussi sur le forum de Johnny, donc Johnny Music. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées. Hein. Il m'a dit mon éditeur chez Tournon recherche un auteur sur Johnny, mais il faut que tu arrives avec un angle original parce que il y a eu tellement de choses qui ont été écrites sur Johnny qu'il veut pas de biographie traditionnelle. Et je suis arrivé à... Je n'ai pas réfléchi de longtemps. Mm-hmm. Je suis arrivé à... Non pas avec mes cahiers d'écoliers de l'époque, parce que ils ont été... tout a été retranscrit sur un fichier informatique. Mais je suis arrivé à l'époque avec cette idée. Et après, quelqu'un, c'est peut-être Benoît qui m'avait dit ça à l'époque, il m'avait dit, tu te rends compte quand même de ce que tu lui donnes. Évidemment qu'il a dit oui. Tu te rends compte de ce que tu lui donnes. Tu lui donnes le travail de toute une vie. Et je n'avais pas réalisé les choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, depuis 20 ans, maintenant, je le remarque. Je remarque que ce livre a servi beaucoup à des journalistes, à des gens de maisons de disques, à des fans. Mm-hmm. Je me rends compte que À des animateurs radio aussi, hein, rajoute. Hein. Voilà. Donc il y avait ce livre-là, puis il y a eu Johnny Life à l'archipel. Tous ces livres-là ont servi de référence à ces gens. Mais l'éphéméride, surtout, je ne réalisais pas à quel point, effectivement, je lui faisais un super cadeau à l'éditeur à ce moment-là. C'est une référence. Hein. Moi, je ne le connaissais pas. C'est une amie qui me l'a prêté. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, il me faut mon exemplaire. Parce que je dis, c'est super pour une émission de radio, c'est super à utiliser. Vraiment, c'est détaillé et tout ça. Et quand on cherche un truc précis, on l'a. Et c'est ce qu'il après, fallait. Après, le site Johnny Web aussi, où j'ai moi aussi pris des infos. Hein, mais les plannings, par exemple, des tournées et tout ça, après... ils ont récupéré mes plannings de l'éphéméride. Je me souviens qu'ils avaient mis un petit truc de remerciement en dessous pour dire que ils s'étaient ils avaient marqué la source, donc l'éphéméride tout ça. Je me souviens aussi de Jean-William Toury et Gilles Verland qui avaient fait Johnny l'intégrale et qui à la fin leur seule source, il y en a deux. Et parmi ces deux sources, c'était mon livre, mon éphéméride. J'étais après je réalisais quand je voyais ça, quoi, j'étais touché. Plus ceux évidemment qui ne citent jamais leurs sources, mais on sait d'où ça vient. Et on se dit mon livre a servi, quoi. Et c'est une référence. Je te le dis, c'est une référence. À ton doigt, il était Et puis, on fait en sorte que cette nouvelle série soit également une nouvelle référence. Exactement, c'est augmenté, c'est l'éphéméride augmenté, corrigé, revu aussi, parce que la présentation est superbe également, de Christian Kovacs. Donc, c'est superbe. Rien à dire, il faut l'acquérir. C'est, voilà, je l'espère. Ben, ruez-vous sur Amazon. Oui, uniquement sur Amazon. Et voilà, et pour que pour m'encourager en fait à poursuivre, voilà, le volume 2 est en bonne voie, mais après il va me falloir quand même pas mal d'encouragement pour que pour le 3 et le 4. Mais voilà, le 2, j'espère en tout cas qu'il arrivera assez rapidement, parce que c'est important, quoi, dans la foulée, que le volume 1, je pense aussi que cette période-là, ben, y a, à part quelques survivants, on n'est pas nombreux à l'avoir connue. Donc peut-être qu'elle intéresse moins de monde. Donc j'ai hâte de voir un petit peu l'accueil qui sera réservé au volume 2. Le 2, je pense, oui, que tu auras encore plus de lecteurs pour le volume 2. Mais bon, et il faut tout avoir. Mais il faut tout avoir, de toute façon. Et c'est bien d'avoir, ouais, c'est bien d'avoir la collection. Je pense qu'après, une fois que j'aurai sorti les quatre, si vous m'y encouragez, ça serait bien aussi d'organiser ou d'aller dans des journées ou des événements particuliers qui sont faits autour de Johnny, quoi. Mais une fois que la collection sera complète, pour aller la proposer sur des, ouais, c'est le côté sympa aussi, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre des fans, à la rencontre des gens. Moi, depuis 20 ans, c'est mon plaisir, quoi, en tout cas, de d'échanger avec des fans. Bah, tu le sais, hein, tu le vois, donc oui. Voilà. Tout à fait. Et là, on est plus pro, là, hein, parce que d'habitude, on parle... on dérive à chaque fois. Mais là, on se cadre sur le livre Johnny au jour le jour. La libre édition, donc, hein, c'est Frédéric qui l'auto-édite. Il passe par Amazon, uniquement disponible sur Amazon. Donc, prenez-le. Achetez-le et vraiment vous ne serez pas déçus, vous allez découvrir des tas de choses. Moi aussi, j'en ai découvertes. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui ont un problème avec Amazon, ça peut arriver. Je connais des gens qui ne veulent pas commander sur Amazon. Contactez-moi en privé, hein, sur Facebook ou ailleurs, ou demandez à des gens que sur les groupes, ils me retrouveront facilement et ils vous donneront facilement mes coordonnées. À ce moment-là, vous me contactez en privé et je vous envoie un exemplaire. Voilà, on peut faire aussi comme ça. Je te remercie d'avoir participé à l'émission Johnny de A à Z, spéciale émission Frédéric Nonero avec Johnny au jour le jour. Merci à toi, Eric. Hein, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et voilà. Et merci pour de promouvoir ce livre. Et on va continuer. On va le continuer. Et on attend le numéro 2, bien sûr. Mais le premier, est vraiment, c'est le test. Hein. C'est le vrai test. C'est le grand test. Oui, ouais, c'est le test. En tout cas, merci à ceux qui se sont déjà procuré le livre et qui m'ont fait de bons retours. Parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des bons retours. Je vous remercie pour ça. Merci Frédéric. Merci à toi Eric. À très vite pour le volume 2 puis, ou une autre aventure entre temps, on ne sait jamais. Ah, ben pourquoi pas, oui. Holiday by Holiday. Johnny en live. En moment la musique. Et on termine cette émission avec John Hallyday au Musicorama d'Europe 1 en 1965. Deux titres, je vous propose. Pour moi, tu es la seule et je veux te graver dans ma vie. J'en ai vu beaucoup des toits de ville en ville. Mais jamais sur mon chemin une vie comme toi. Tout va mieux, cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es la seule. La seule. Yeah, yeah, yeah. Ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Ta façon, oui, de m'embrasser, me fait crier. Et pour moi, tu es la seule. Tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour t'en voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute la joie. Car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule. Ouais, tu dis, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait crier. Pour moi,